Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute des programmes de la Première. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Très jeune, quand j'ai lu Shakespeare, c'est le poids d'être de ces personnages. C'est le moindre personnage dans Shakespeare et d'une complexité, d'une richesse extraordinaire. À l'époque, par exemple, de Shakespeare, tous les rôles de femmes étaient joués par de jeunes adolescents. Les femmes n'avaient pas le droit de jouer sur scène et ce sont des femmes de rois ou des filles de rois, des choses comme ça, qui ont réussi petit à petit à s'introduire presque en secret, en cachette dans les spectacles. Puis on a enfin admis un jour que les femmes pouvaient faire ce travail et que c'était aussi formidable. Cette semaine, un homme d'exception. Shakespeare donne-t-il une image négative des femmes à travers Lady Macbeth, à travers Catherine de... Ou au contraire, est-il un pré-féministe avant la lettre, puisque très souvent, dans les comédies, ce sont les femmes qui portent les valeurs de sacrifice, d'amour. Même si Shakespeare est un génie universel et a parlé très bien de tout, on ne peut pas nier qu'il a énormément parlé du droit. On a fait le compte sur les 36 pièces qu'il nous a laissées, qu'on lui attribue, une trentaine mettent en scène des procès. Shakespeare, sa vie, son œuvre. Aujourd'hui, le rêve secret de tout comédien, c'est de jouer Shakespeare. Quant à Shakespeare lui-même, mon hypothèse, en parcourant une dizaine de ses pièces dites historiques, c'est que Shakespeare s'attache à montrer les écarts parfois énormes entre la fonction mythique et la réalité humaine du roi. Le monde est un théâtre. Histoire vivante, cette semaine, Shakespeare. Aujourd'hui, entretien avec François Host, historien du droit. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Avec plaisir. D'abord, j'ai été un hôte de la Suisse dans la mesure où j'ai assuré un cours de philosophie du droit à l'université de Genève pendant une vingtaine d'années jusqu'à l'an dernier. Je suis donc juriste et philosophe. Et ce double parrainage m'a amené à réfléchir toute ma carrière au sens du droit dans la société. Et plus récemment, et ça nous rapproche peut-être de notre sujet, je me suis intéressé au courant droit et littérature, c'est-à-dire, au fond, la présence des grandes questions de pouvoir, de justice dans la littérature. François Host, qu'est-ce qui permettrait de comprendre, puisque ce n'est pas la première fois que nous abordons au micro d'Histoire vivante cette relation entre philosophie et droit, qu'en Belgique particulièrement, à Bruxelles même j'ose dire particulièrement, cette filière-là existe et qu'elle soit, par l'intermédiaire de vos travaux entre autres, creusée? Il y a peut-être une raison très simple et finalement assez matérialiste pour parler comme Bourdieu, c'est que les programmes des études de droit en Belgique ont toujours été conçus, depuis des décennies, de façon très interdisciplinaire, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire très simplement, on offrait à très juste titre aux juristes une formation ouverte sur la société et sur l'homme. Figure au programme des cours de philo, de sociologie, d'histoire, d'économie, ce qui est une excellente chose parce que le droit est une pratique sociale, une science sociale aussi, et que le métier de juriste ne se conçoit que dans le contexte de la société où ce droit est appelé à opérer. Voilà. Donc une explication simple, mais qui fait que les professeurs de droit dans les facultés ont toujours été à côtoyer sur un pied d'égalité des collègues non juristes, et particulièrement dans mon université, à organiser des recherches communes. La revue que nous avons fondée ici à 40 ans s'appelle Revue interdisciplinaire d'études juridiques. Voilà. Le thème à l'époque n'était pas du tout à la mode, il était même marginal, pour ne pas dire disqualifié, et aujourd'hui je constate qu'il est tout à fait central et même une condition de subsidiation, de programme de recherche, ce qui est une excellente chose. T'imagines qu'on vous a posé 10 000 fois la question, pourquoi étudier plutôt que plaider ? Bonne question, d'autant que ce choix n'est pas immédiat. J'avais moi-même aussi fait un programme de droit économique en vue de plaider, parce que j'aimais ça. Mon épouse est avocat, mon père l'est. J'ai beaucoup d'estime pour ce métier. Mais la recherche est aussi une grande passion, voilà. La formation des juristes est un enjeu majeur. L'enseignement dans des grands amphithéâtres est aussi une forme de prestation orale et de conviction, finalement. Qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie comme vous ces questions-là? Qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a affaire, pour le dire avec des mots forcément trop simples, à un certain nombre de systèmes juridiques qui sont des corpus qui encadrent les formations des futurs pratiquants, et on peut voir éventuellement l'évolution qui de la common law, qui du code romain. Qu'est-ce que c'est que cette étude-là? Écoutez, je dirais que il y a au moins deux grands axes de la théorie ou de la philosophie du droit. Disons des problèmes éthiques assez évidents, donc ce qu'on appelait jadis le droit naturel, c'est-à-dire au service de quelles valeurs le droit opère-t-il ou de quels engagements politiques. Donc l'axe, disons, plutôt normatif éthique, et l'autre axe, c'est l'axe méthodologique, pour employer un grand mot, épistémologique, c'est-à-dire une étude du raisonnement juridique et une étude de la nature du savoir juridique. Par exemple, mes tout premiers travaux théoriques portaient de façon assez classique sur l'opération quotidienne du juriste qui consiste à faire parler des textes, interpréter. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation? Et nous sortions en Belgique, comme en Suisse ou en France, de siècles d'exégèse, c'est-à-dire de culte de la lettre de la loi. Et nous, les chercheurs, nous nous attachions avec un certain plaisir à montrer que, au fond, le juge interprète la loi, c'est-à-dire qu'il va reconstruire son esprit au-delà de sa lettre. Il le doit même. Et il le doit, bien entendu. Et du reste, en Suisse, je pense que c'est l'article 7 du Code civil, encourage le juriste à rechercher l'équité au cas où les sources du droit seraient défaillantes, ce qui, finalement, est peut-être plus fréquent qu'on le croit volontiers. Voilà. Alors, à côté de ça, il y a des tas d'autres questions qui se posent. Par exemple, le pénaliste va s'interroger sur le sens de la peine, la fonction de la peine. Le publiciste constitutionnaliste va s'interroger sur l'évolution de l'État, le confédéralisme, la souveraineté. Le civiliste va s'interroger sur ce qu'on appelle, d'un terme d'ailleurs philosophique, l'autonomie de la volonté. Donc, qu'est-ce qui relève du pouvoir créatif des partis et qu'est-ce qui doit être encadré par la loi? Donc, vous voyez, les problèmes ne manquent pas. Nous sommes ici dans votre bureau à Bruxelles. J'ai cru voir dans un coin d'étagère comme ça l'ouvrage d'un de vos collègues que j'apprécie énormément, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer au Collège de France, à savoir Alain Supiot, qui dans ses cours sur la gouvernance par les nombres m'a amené à penser, et j'en ai témoigné à plusieurs de mes amis, que pour comprendre la complexité de la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le travail d'un juriste comme Supiot, son analyse de l'évolution de la loi, passant du droit coutumier au droit tel qu'il était exercé aujourd'hui, était un remarquable traducteur. Alors, je suis très heureux de parler de mon ami Alain Supiot, et je suis très heureux qu'il ait pu succéder à Mireille Delmas-Marty, aussi une femme remarquable, au Collège de France. Ce sont deux juristes qui, bien au-delà de leurs compétences techniques, jouent un rôle extrêmement précieux aujourd'hui en rappelant ce qu'on a tendance tout à fait à oublier, la centralité du droit dans une société. Et vous le pensez bien, mon propos ici n'est pas du tout corporatiste, mais au moment où le droit est marginalisé par la domination du marché, de toutes sortes d'autres normes, vous avez évoqué la gouvernance par les nombres, donc les normes techniques ISO, les normes médiatiques, les normes comptables, ce qu'on appelle parfois les nudges, qu'étudie d'ailleurs un ami suisse, Alexandre Flückiger. Bref, au moment où le droit est contourné, instrumentalisé par toutes ces normes techniques, il est urgent que des personnalités comme Suppio rappellent effectivement qu'une société ne peut fonctionner que si elle dispose d'un langage commun. C'est ce que dit Habermas aussi. Il dit le droit est le traducteur général de tous les sous-langages sociaux. Et derrière les langages, il y a les intérêts et les valeurs. Le droit, c'est l'arbitrage général de tous les intérêts et les valeurs propres à des milieux professionnels, à des secteurs de la société. Sans parler alors de problèmes ou de dimensions plus éthiques, Alain Suppio, à juste titre, plaide pour ce qu'il appelle l'esprit de Philadelphie, c'est-à-dire l'esprit de solidarité qui doit présider à la construction juridique d'une société. En lien avec les accords de Philadelphie signés en 48. Absolument, et l'Organisation internationale du travail, puisque Suppio est un travailliste. Donc insister sur la solidarité, qui aujourd'hui prend d'ailleurs d'autres formes, ça peut être la solidarité à l'égard des générations futures qui vont pâtir du climat bien en panne que les générations actuelles leur laissent, ou la solidarité nord-sud à un moment où le dogme du marché ultralibéral a tendance à disqualifier au fond ces valeurs qui sont encore fortes institutionnellement. Nous avons des systèmes de redistribution en termes de sécurité sociale, en termes d'impôts et d'impôts progressifs, dont malheureusement on n'insiste pas assez souvent sur les valeurs sous-jacentes qu'ils représentent. Voilà. On a tendance d'ailleurs à opposer des systèmes juridiques tels la common law ou le droit romain sur lequel une autre partie de l'Europe s'accorde, sans compter non plus le droit germanique. A-t-on tort, d'une certaine manière, de les mettre à ce point dos à dos ? Ont-ils, et lesquels, des racines communes, François Host ? Alors, des racines communes, certainement. Le droit de common law vient directement du droit romain, comme notre droit continental européen, mais ils ont pris des directions différentes, donc c'est l'aspect différence, mais j'ajouterai dans un instant qu'aujourd'hui, on assiste à de nouvelles convergences. Alors, les différences, c'est quoi ? Elles sont bien connues. C'est le droit de common law, donc essentiellement le droit des pays Angleterre et pays colonisés par l'Angleterre à l'époque, et c'est un judge-made law, donc un droit essentiellement d'origine jurisprudentielle, et donc où le juge a un large pouvoir créatif, tandis que, comme nous savons, notre droit continental est essentiellement codifié, modèle, le BGB allemand, le code civil français, suisse ou belge. On a pu insister sur ces deux portes d'entrée dans l'univers juridique. Je dirais, c'est le cas ou le système. C'est le dossier ou la règle. Le common law part du cas, part du dossier et construit une règle de droit à partir des particularités de l'espèce. Tandis que le droit continental s'appuie sur des principes juridiques, des théories juridiques, elles-mêmes renvoyées à des articles de loi. Et on considère que le raisonnement du juriste consiste à s'appliquer de façon syllogistique au cas d'espèce auquel on n'accorde pas une très grande importance. Mais alors je termine en disant qu'aujourd'hui, les deux systèmes se rapprochent à juste titre, notamment sous l'influence de juridictions européennes où ces deux traditions se côtoient tous les jours et se fécondent. Par exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait avancer le droit des droits de l'homme à la manière anglo-saxonne, c'est-à-dire à partir des cas, ou le droit de l'Union européenne. Mais, bien sûr, l'influence des juristes continentaux, ne serait-ce que parce qu'on continue à parler français à la Cour de Luxembourg, la Cour de l'Union européenne, ce qui est un grand privilège, ben, ce droit bénéficie quand même de l'apport systémique des juristes continentaux. Donc, je suis heureux de voir que les deux traditions se rapprochent en dépit de leurs différences réelles. Vivante, suite de l'entretien avec François Host. François Host, vous me le confiez juste avant que nous n'ouvrions ce micro. Il y a quelques années de cela, vous avez travaillé sur une relation entre Shakespeare et la loi, qui a d'ailleurs donné le titre à votre ouvrage. Vous m'avez dit, vous savez, moi ça remonte à 4-5 ans, donc tout n'est pas complètement à jour, donc on va essayer déjà d'approcher à moyenne altitude. Qu'est-ce qui vous met sur la piste de cette relation entre Shakespeare et la loi? Comment vous arrivez à ça? Est-ce que c'est, puisque vous aimez le théâtre, en sortant d'un spectacle où tout d'un coup votre œil, à la fois de spectateur et de juriste averti, se dit, mais c'est, là c'est évident, est-ce que c'est à la lecture d'un Shakespeare? Enfin voilà. Voilà. Écoutez, il y avait quelques années que je travaillais le courant droit et littérature. J'avais travaillé les tragédies grecques, Kafka, Balzac, et je savais qu'il y avait ce monument anglais qui s'appelle Shakespeare, que je n'avais pas encore abordé. C'est une lacune. D'ailleurs, en langue française, je dois bien reconnaître qu'il y a peu de travaux sur Shakespeare et le droit, alors que je ne dois pas vous dire qu'en langue anglaise, il foisonne, ce qui m'a considérablement facilité le travail. Je peux dire que d'une certaine manière, mon livre, Shakespeare et le droit, a servi en quelque sorte de traducteur et de passage à cette immense érudition britannique à propos de Shakespeare. Mais pourquoi Shakespeare et le droit? Mais tout simplement parce que, même si Shakespeare est un génie universel et a parlé très bien de tout, on ne peut pas nier qu'il a énormément parlé du droit. On a fait le compte sur les 36 pièces qu'il nous a laissées, qu'on lui attribue, une trentaine mettent en scène des procès. J'ajoute que existe en langue anglaise un dictionnaire de plus de 400 pages concernant la langue juridique de Shakespeare. Je pourrais encore dire que aujourd'hui, et notamment aux États-Unis, il est tout à fait régulier, il est tout à fait fréquent que des cours de justice citent des passages de Shakespeare à titre de source de droit, à titre d'argument, et on discute parfois entre avocats, entre un juge et le juge d'appel, des passages de Shakespeare comme si on se livrait à de la critique littéraire. Voilà, ce sont des indices, et puis après, quand je me suis mis à creuser, j'allais de surprise en surprise, et quelque chose qui m'a énormément tenu à cœur, c'est de constater que Shakespeare avait passé des mois, peut-être des années, à fréquenter les Hints of Court à Londres. Ce sont littéralement les auberges de droit, qui étaient à l'époque les universités juridiques, les lieux où se formaient les futurs juristes, dans des sortes de collèges anglais à Londres. Comme les Britanniques sont conservateurs, on a gardé les bâtiments, on peut les visiter, ces quatre Hints of Court. Ou, pourquoi les fréquentait-il? Mais parce que le programme de la formation de ces futurs juristes était juridique sans doute, mais j'allais dire surtout littéraire. Et ils se formaient à la controverse, à la plaidoirie, à la dialectique, sur la base de cas imaginaires, ou réel, plaider, jouer, vous me voyez venir. Shakespeare a été à plus d'une reprise invité à proposer aux étudiants et à leurs professeurs des cas réels qui allaient devenir des pièces de théâtre. Et donc il y a une véritable osmose dans leur écriture même, dans leur commande d'origine, et puis dans leur exécution, entre ces écoles de droit et les pièces de Shakespeare. Alors qu'on essaie de bien saisir, François Host pourrait peut-être d'ailleurs dissocier le Shakespeare auteur, encore qu'il faudra évidemment relativiser, mais vous nous y aiderez à associer le nom propre et la fonction. La notion d'auteur étant à l'époque de Shakespeare une notion, on va dire, relativement neuve, nouvelle, que lui-même d'ailleurs inaugure. Et puis, la capacité, Shakespeare étant lui-même acteur, d'incarner qui la défense, qui l'accusation, en utilisant les capacités qu'a l'acteur de conduire émotionnellement un propos. Pour revenir à la partie auteur, Shakespeare se sert-il du théâtre pour raisonner comme le juriste qu'il a été et pouvoir d'une certaine manière expérimenter des hypothèses de réponse sur tel ou tel cas, puisqu'il s'appuie aussi, et vous le dites dans votre ouvrage Shakespeare et la loi, sur des faits divers? Écoutez, je dirais que par nature, le droit et spécialement le procès sont dramatiques, se prêtent au drame. Et donc, voilà, le fait divers, la controverse et puis le procès se prête à des échanges musclés, à des dramatisations. Et je pense que, à la faveur notamment de ces commentes des Inns of Court, mais pas seulement, je pense aussi à la faveur de l'actualité anglaise, politique, Elisabeth Ier, on pourra peut-être y revenir, Shakespeare n'avait qu'à se baisser, je dirais, pour ramasser de la matière dramatique. Et de ce point de vue-là, on peut aussi dire que lui-même et son père, d'ailleurs, qui avait été maire de la petite commune de Stratford, étaient des machines à procès. On plaidait beaucoup au civil, au pénal, devant les juridictions religieuses, comme accusé, comme demandeur, comme témoin. Tout est prétexte à... Tout est prétexte. Il y a une sorte de connivence entre la scène et le prétoire, je dirais. Voilà. Mais sur ma question, Shakespeare se sert-il du théâtre pour expérimenter en tant que juriste des hypothèses de réponse? Oui, je dirais, Shakespeare n'est pas, heureusement d'ailleurs, un théoricien du droit, c'est un intuitif, c'est un homme de planche, comme Molière d'ailleurs. Je pense qu'il a des convictions, comme Molière d'ailleurs. Qui serait? Conviction de Shakespeare difficile, hein, parce que s'il y a bien une chose que tout le monde relève, c'est l'ambivalence de Shakespeare. On trouve tout et son contraire. L'éventail est large. Hein. Et il est large. Oui. Et en plus, il ne faut pas sous-estimer les ruses mises par les auteurs pour échapper à la censure. Donc tout ça explique que l'on trouve un peu de tout chez Shakespeare. Néanmoins, je crois pouvoir dire que sans être lourdement pédagogique, il y a une sorte de doctrine constitutionnelle chez Shakespeare. Certains ont dit que, à défaut de constitution écrite, c'était Shakespeare, la constitution de la Grande-Bretagne, qui tiendrait de façon d'ailleurs assez classique et prévisible dans l'attachement aux libertés, dans un équilibre assez raisonnable entre un pouvoir monarchique qui n'est pas contesté et le respect des commons dans la tradition de la Grande Charte qui avait déjà plusieurs siècles au moment où Shakespeare écrit. La Grande Charte est du XIIIe. Shakespeare écrit entre 1590 et 1610. Et donc, à plus d'une reprise, je pense que sans être grevé d'une morale un peu raide, ces pièces rappellent au fond ce que les Grecs appelleraient l'hubris, c'est-à-dire que les rois ou les puissants qui s'écartent de ce bon sens selon lequel il faut ménager le peuple et respecter ses libertés, se heurte à des tragédies. Voilà. Shakespeare, François Host, traite-t-il d'abord et essentiellement des puissants, rois, princes et consorts, ou tourne-t-il aussi parfois les questions du droit en les ramenant à hauteur d'homme, si j'ose dire? À première vue, on pourrait penser qu'il se préoccupe essentiellement des rois et des reines, puisque un tiers de sa production consiste dans ce qu'on appelle les pièces historiques, qui mettent en scène deux ou trois siècles d'histoire dynastique anglaise, voire romaine. voire romaine. Et donc la grande question, c'est l'accès au pouvoir, la vengeance. Mais néanmoins, je voudrais attirer l'attention sur deux pièces très juridiques et très importantes, où on pourrait dire que le point de vue s'inverse. Le Marchand de Venise a pour protagoniste principal le juif Shylock. Et le juif, c'est un réprouvé, c'est un étranger, c'est un petit. Contrairement à ce qu'on a parfois soutenu en disant que cette pièce était antisémite, moi, j'en fais une lecture, comme certains autres d'ailleurs, favorable à Shylock. Vous savez, c'est le créancier juif du Marchand de Venise qui va réclamer, au moment où son débiteur, l'armateur vénitien Antonio, tombe en faillite, ben, il va lui réclamer sa dette assortie de la clause pénale. Et la clause pénale, c'est quoi? C'est la livre de chair qu'assez imprudemment Antonio a consenti de se faire prendre au cas où il ne paierait pas sa dette. Alors tout le haro de Venise, du Doge, tout le monde se mobilise pour sauver la cuisse d'Antonio. Sauver la cuisse d'Antonio, exactement. Mais c'est une pièce qui montre je le dirais comme ça, le petit ne gagne jamais contre la banque. Voilà, et que donc c'est une pièce qui dénonce, me semble-t-il, très efficacement l'antisémitisme de l'époque et du prêteur juif qui ne fait finalement que réclamer son billet. Il a une formule magnifique dont j'ai fait le sous-titre d'un livre, d'ailleurs, c'est « I crave the law ». Littéralement, il dit « Je veux le respect de mon billet à ordre, je tiens, j'aime énormément, je désire ardemment la loi, I crave the law ». Mais je propose une traduction qui est peut-être plus psychanalytique, mais qui dirait « la loi, j'en crève ». C'est-à-dire à la fois, il y tient parce que c'est un bouclier qui peut le défendre, et en même temps, bien sûr, il va littéralement en crever parce que il va être la victime de cette loi. Là, c'est le point de vue d'un petit. Et l'autre pièce, ce pourrait être « Mesure pour mesure », qui est souvent jouée et qui porte sur le droit pénal avec cette question intéressante, un peu impertinente. Le droit pénal est-il fait pour être appliqué ? Entendons, est-il fait pour être appliqué intégralement ? Et bien sûr, la réponse est non. Nous vivrions dans un état policier si le droit pénal devait être appliqué intégralement. Et donc, il appartient aux... Donnez-nous un exemple. Par exemple, la consommation du cannabis ou un excès de vitesse. Si toutes les dénonciations arrivant sur le bureau des parquets devaient être systématiquement... C'est Orwell. Voilà, ce serait Orwell. Et donc, c'est ce que, de nouveau, avec beaucoup de bon sens, c'est la leçon que Shakespeare administre dans cette pièce, mais qui mettra aussi en scène un certain nombre de victimes de la répression qui ne sont pas des rois ou des reines. Mais vous dites de bon sens, François Host, c'est même, si je puis me permettre, une capacité de voir loin... Car Dieu sait si, du temps de Shakespeare, on est extrêmement loin de toute forme de totalitarisme. C'est comme si Shakespeare avait la capacité d'anticiper sur des risques qui, jusque-là, ne se sont pas présentés à ses yeux. Certes, mais Shakespeare était contemporain d'Élisabeth Ier et de Jacques Ier qui allait lui succéder. Alors ça, on va en parler demain. Donc, merci déjà pour cette première journée et on se retrouve demain au même endroit pour parler justement des rapports aux politiques. À demain. À demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.